Sunset Fusa. Is there now? 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. On reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Take Me Out. Et je te garde avec le poste d'écoute CNX, c'est un fait et tout le temps le quoi. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées en ce lundi 15 novembre 2010 en direct des studios à Trois-Rivières. C'est fou, évidemment. Mathieu Plante, c'est mon nom. Mathieu Plante, c'est ton nom. Oui, c'était vraiment très dans le désordre comme entrée, je trouve. Mais quand même, on se comprend. Pas super. Pas super. Pas super. Salut François, vieux marchand. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Passe une belle fin de semaine. Fin de semaine qui était courte, très très courte. Que veux-tu, hein? C'est des choses qui arrivent. Ben oui. Donc, on se repose seulement dans 5 jours encore. Ah, quand il faut compter les jours avant la fin de la semaine, et ça va pas bien. Ah, je suis fatigué, c'est ainsi. Ouais, mais ah, ben, tu sais. Des choses qui arrivent. C'est ça. Aujourd'hui à l'émission, on a un gros plan, mais vraiment pas beaucoup de chroniqueuses. Hein, d'habitude, on aurait Audrey Tremblay avec son tour du Zone Campus le lundi une fois sur deux d'habitude, mais là on va devoir remettre ça à un autre jour qu'on vous annoncera plus tard. Par contre, on a Stéphanie Gagné avec Take Me Out, sa chronique sur les sorties spectacles, ça s'en vient à 8h30 tout à l'heure. Moi par contre, pour compenser pour l'absence d'Audrey, je vais te faire une avalanche. Une avalanche de différents segments des plus hétéroclites qui soient. Hein. On va voir le poste d'écoute avec Clothes Make the Man. Tout à l'heure. OK. Ça, c'est la première affaire, le poste d'écoute, c'est bon. Ça sonne pas pire, déjà, en partant. Oui, tout à fait, tout à fait. L'habit fait le moine, hein? Genre. Espérons-le. On va avoir une chronique, c'est un fait, avec des faits divers à peut-être utiliser lorsque vous êtes en train de vous déshabiller. Ouais. Peut-être, hein? Pas sûr de la situation, pas sûr. On a CNX aujourd'hui, on va parler de technologie, évidemment, de choses geek, un gros mishmash d'informations. Mishmash. Dans CNX, oui. On va chialer dans la chronique tout le temps de quoi? OK, parfait. Okay. Mais je te dis pas mon sujet, là, mais ça a rapport avec quelque chose de geek, au moins un petit peu geek. Pas un disque dur? Non, pas un disque dur. Si on a assez de problèmes avec ça, les disques durs, on n'en parlera pas plus qu'il faut. Donc, tout le temps de quoi? Et voilà. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres affaires aussi autour de ça, mais à un moment donné, il ne faut pas en promettre trop, hein? Non. Faut pas promettre des affaires aux clients qu'il n'y aura pas. Non, ça, on fait ça souvent. C'est comme notre garantie prolongée ici. Hein? C'est un peu ça. On va commencer l'émission avec ta pièce préférée, hein? Voici All the Pretty Girls, the Fun. Comment scraper un début de semaine? Je veux t'achever le plus vite possible aujourd'hui. C'est pas bien. All the pretty girls on a Saturday night. So I call your name, cross my fingers, uncross the others, hesitate. Oh, I don't think straight with nothing to prove. I don't wanna say I'm leaving, I'll stay until the weekend. You can take all the things, boxes and rings, and I do until then.

Millen Collin avec la pièce de ballade. Très bonne pièce. Oui. J'adore cette chanson-là. Bien choisi. Même chose pour Fun, avant ça avec All the Pretty Girls. Je déteste cette chanson-là. Mais non, mais c'est pas super. Non, c'est pas super. Ouais. C'est pas super. Mais je suis pas un fan de ce style-là. OK. C'est vrai que c'est un style très particulier. C'est un style très particulier. Hein? T'es d'accord avec c'est ça? C'est pas pour tout le monde. Oui, oui. Ça ressemble beaucoup à Mika. Mika, tu trouves? Ouais, mm-hmm, tu trouves ouais. pas? Ben, un peu. Queen, ouais, peut-être, ouais. Mm-hmm. Hey Matt, je te parle du gala de Gamic. Oui, ça avait lieu hier. Hier soir à Montréal. Et puis, je te dis les gagnants. OK, ça, c'est le gala de la musique indépendante québécoise. C'est ça, exactement. Qui, ça, en fait, là, c'est un des galas qui ressemble le plus à ce qu'on est ici. Oui, à nous. C'est fou. Parce que ça nous ressemble. Parce que ça nous ressemble. Tout à fait, Mathieu. Mathieu qui est vraiment énergique ce matin. Oh, merci. Donc, la liste des lauréats. 2010. 2010, OK. Artiste de l'année. Ouais. Pas de Maxime Landry ici. Non, non, loin de là. Bernard Adamus. Bien, OK. Spectacle de l'année. Uh-huh. Tu vas aimer ça. Mystère Valère. Ah oui. Auteur-compositeur de l'année, présenté tout ça par la SACAN. Fred Fortin. OK. Chanson de l'année. Question à 100 piastres. Bernard Adamus encore. Bernard Adamus, tout mm-hmm. à fait. Révélation de l'année. T'as-tu une petite idée? Non, aucune. Bernard Adamus. Ah, hey. Étoile montante de l'année. Ah non, pas vrai. Ah, Bernard Adamus encore. Random Recipe. Phew. C'est peut-être l'année de Bernard Adamus, en fait. Moi. Vidéoclip de l'année, Dekchou avec, de Radio Radio. Mm-hmm. L'album Chanson de l'année. Plastrer la lune de Fred Fortin. Ouais. Album électro de l'année, c'est Poirier avec son album Running High. Album électro rock de l'année, Werewolf, évidemment. Ça, je pense que c'était un incontournable. Mm-hmm. Album expérimental de l'année, on a Black Feelings. Je connais pas. Moi non. Peut-être Danny connaît. Album folk country de l'année, Bernard Adamus. Uh-huh. Album hip-hop de l'année, Radio Radio, avec Belmondo. Hey, c'est Cœur de Pirate qui doit être contente. Hein? Je sais pas si c'est en nomination. Je sais pas. Peut-être rendu un petit peu mainstream pour le gaming. Ouais, je pense que oui. Album indie rock de l'année, Best North Lakes. Ah oui. Tu connais? On entend souvent parler, étrangement, on n'en fait pas jouer souvent ici. On a-tu l'album? Je crois pas. Non, ça doit être une raison. Sûrement pour ça. Album metal hardcore de l'année, Despise Icon, qui était au Trois-Rivières Metal Fest ici au mois d'octobre. Mm-hmm. Album pop de l'année, le Husky avec la fuite. Ah, cool. Ouais, très bon, le Husky. Il était en spectacle au Zenob, si je me trompe pas, en fait, ça. Non. Ah, là, je sais le pas. Husky, ouais. Le album punk de l'année de Brains, je sais que notre animateur de l'émission Skypunka doit être très content parce qu'il aime bien The Brains. Et puis, album rock'n'roll de l'année, Sonny Duval, c'est Noir Saint-Blanc. Album world de l'année, c'est Ombre, H-O-M-B-R-E. Hombre, peut-être? Hombre. Peut-être. Hombre. Je sais pas, je connais pas. Muy caliente. DVD de l'année, WD-40, né pour être sauvage. D'autres affaires que je suis pas capable, ça, moi, personnellement. WD-40, non? Non. T'as beaucoup de misère avec ça. Beaucoup. Bon. Alors voilà, en fait, c'était les gagnants. Ah, c'est bien. T'as fait y assister. Je pense que Danny, je sais pas si. Je sais pas si Danny est allé. Ouais. Ouais. Bref, écoutez le dîner de clown ce midi, vous allez le savoir. Écoutez-le de toute façon, mais ouais, bon, ça me donne une raison de plus ce midi pour l'écouter. Je trouve que Bernard Adamus, sérieusement, un petit peu surexposé en ce moment, non? Je sais pas. Il est pas mal partout. Partout. Il est pas mal partout. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. C'est beaucoup. Puis j'ai comme l'impression que. Je sais pas si on va le revoir. Tu penses que c'est un genre de mode passagère? Intuitif. Moi aussi. Intuitif. Mais on l'aime quand même, sympathique. Non. Bon genre de musique, mais tu sais, qui en profite pendant que ça passe, mettons. Peut-être. Oh, ouais, non, c'est ça. Puis non, c'est ça, Tabarot. Mais lui, il fait sa carrière, c'est là que ça se passe. Oui, c'est maintenant. C'est comme le petit Jordi, là, dans le temps. C'est quoi, non? C'est quoi, non, sa chanson? J'ai 10 ans, je suis grand. Et maman, je suis grand. C'est la musique de bébé. Là. Wow. Ça, là, Sonia Benezra à triper raide, là, hein? Ah oui. Ah ouais? Ah oui. Oh, qu'elle aime ça. Ouais, sûrement. Ouais. Ça venait de son cœur. Ouais. Hey, tu me donnes envie d'aller écouter un petit peu de Best Nerd Lakes. C'est le nom qui m'a marqué là-dedans, autre que Bernard Adamus. Là, voici la chanson Disaster au 89.1 FM. C'est Assemblage requis. When you get up in Baby, come on. fou, ça. 89.1. Je dis que ça me donne le goût de danser, là. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Oui, c'est toujours Assemblage requis avec les deux barbus de façon assez bizarre, hein, aujourd'hui, je trouve. Toi aussi, tu t'es laissé tenter par une petite coupe. Moi, c'est les poignées de Bessic. Ouais, c'est ça, c'est original, j'aime ça. Moi, j'avais pensé à la même... pas à la même chose. Toi, c'est vraiment la moustache et deux lignes sur le côté. Ça descend. Poignée de Bessic, ça descend. Est-ce que t'as quelque chose en dessous? Non. En bas, c'est ça. Moi, j'avais essayé le tour au complet avec, les côtés et le bas et le haut. Puis là, c'était vraiment laid. Fait que finalement, j'ai enlevé les côtés. Ouais, puis là, c'est tout croche parce que je sais pas me raser. Non. C'est pas si pire. Ouais, c'est pas si pire que ça. Mais pour rappeler aux gens, c'est le Movember qui continue pendant le reste du mois, hein, pendant tout le mois de novembre, où on se fait pousser les moustaches pour le cancer de la prostate. Tout à fait, tout à fait. Et puis, j'ai quand même hâte que le mois de novembre s'achève. Nos blondes aussi, je pense. Hein? Vraiment, hein? Pas ouais, facile. Ma copine, elle aime bien ça. Ah ouais? Ouais, pas vrai. OK. Ça la fait rire. OK. C'est pour la comédie, c'est pas pire. Tant mieux. On vous tiendra au courant pendant les prochains jours. Cette semaine ou la semaine prochaine, on va commencer à téléphoner à nos amis cobayes, ceux qu'on a forcés à se faire pousser la moustache pour le cancer de la prostate. Oui, oui. On va les appeler cette semaine. On leur dit pas quand, par exemple. Non, non, non. On vous laisse ça très, très lousse, comme on va vous appeler éventuellement. Puis, écoute, je peux te dire quelque chose que je t'ai pas dit. Ah ouais? Mais il y en a un qui a lâché. Non! Et... Ah non! Eh hey, mais je te dis pas qui. OK. On va la prendre au téléphone. Si il avait le goût de nous appeler, par exemple. Écoute, je te donnerai pas sa raison, mais... En tout cas, c'est bien ça. On va lâcher les moustaches pour quelques instants. On va aller se renseigner avec des faits. OK? Vérifiable, véridique et... véritable. Inusité. Inusité, oui, ben c'est un fait. Oui, la collègue, c'est un fait où on vous présente des choses utiles à savoir. C'est toujours bien. C'est comme des affaires que tu dis, waouh, ben je me sens plus intelligent tout d'un coup. Pourquoi? OK. En même temps, tu me dis si c'est intéressant ou pas. Pendant sa première année en tant qu'entreprise, Gillette a vendu seulement 168 lames de rasoir. 168 lames de rasoir. Pas beaucoup? Ben non, c'est pas beaucoup. T'imagines aujourd'hui combien que c'est beaucoup plus que ça? Hein? Tout le Botox au monde, tu connais le Botox, le produit qui fait que les femmes peuvent avoir l'air vraiment stupide pendant pas mal toute la journée parce que leur face est prise. Tout le Botox du monde est fabriqué dans la même usine de production à Westport, en Irlande. Au complet, tout le Botox, ça vient de là. C'est ta vrai, non, oui. Ça, je savais pas, par exemple. On parlait récemment dans la chronique, c'est un fait, du jour des élections aux États-Unis qui était le premier mardi du mois de novembre, tu te rappelles? Oui. C'est pas exactement ça. Ah non? Non, on nous dit ailleurs sur Internet que selon la Constitution, c'est obligé d'être le premier mardi après le premier lundi du mois de novembre. Donc ça pourrait jamais être le 1er novembre, même si c'était un mardi. Parce qu'il faut que ce soit le mardi après le premier lundi du mois de novembre. C'est bizarre, hein? Ils ont choisi ça comme une drôle de règle. Des règles comme ça, j'ai de la misère à comprendre la logique. Ça sert à rien d'avoir dit ça. Ça aurait pu juste être le premier mardi du mois, comme, mettons, Kino 3R, mettons. T'sais. Mais... Je pense pas qu'eux autres disent premier le mardi après le premier lundi du mois. Là. Non, ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Il faut que la semaine soit commencée. Mais pourtant, la semaine, c'est un dimanche. T'sais. Au pire, ça commence. Hein. Ça aurait pu être un dimanche. Bref. Puis, si c'est... Ah, si? Non. Non, juste ça n'a aucun sens. Savais-tu que... Est-ce que tu connais Bill Cosby pour commencer? Non. Bill Cosby, l'humoriste américain? Non. Afro-américain? Non. Super drôle? Pour parler de Jello? Non. Fat Albert? Non. Rien de ça. Ah. Samuel L. Jackson était le stand-in, donc le double de Bill Cosby pendant les pratiques du Cosby Show. Je trouvais que c'était intéressant. Pour ceux qui connaissent Bill Cosby. Et la différence visuelle entre les deux. Avant de décider de prendre le titre Jaws, tu connais Les Dents de la Mer, Jaws? Ouais, là, je t'apprends rien. Ah oui. Peter Benchley a pensé de l'appeler A Stillness in the Water. Stillness? Stillness in the Water. Ou encore The Silence of Death. The Silence of Death. Le silence de la mort. Mais en même temps, Les Dents de la Mer, c'est quasiment, tu sais. C'est un drôle de titre en français, on s'entend. Ouais, je trouve ça cool. Ouais, c'est cool, quand même cool. En 1999, Disney a dû rappeler, donc demander aux gens de renvoyer 3,4 millions de copies du film The Rescuers après qu'on ait vu une femme sans son dessous, ici son top là, oui, dans deux images, deux frames d'animation. Donc ça se voit même pas là, à l'œil nu. C'est genre un frame. Il y en a combien par seconde des frames? Genre une trentaine? Ah ouais, hein? c'est l'enfer. Là. C'est un petit peu ridicule, mais bon. Savais-tu que le film Super Size Me a reçu beaucoup de promotions en Allemagne par un des compétiteurs principaux de McDonald's là-bas, Subway. Donc le film Super Size Me était présenté. Intelligent. Ben oui, mais ça, c'est intelligent, j'adore ça. Ouais. En 2007, il y avait environ 1,5 million d'étudiants américains qui étaient homeschooled, donc qui recevaient leur éducation à la maison. C'est vrai. Ça a monté, c'était 850 000 en 1999, donc 1,5 million en 2007 d'étudiants à la maison. Pas pire. Oui, quand même. Peu importe de quel angle ou de quel côté tu regardes Mickey Mouse, ses oreilles seront toujours rondes. Que tu le regardes dans l'avant, dans l'arrière, du côté, ses oreilles seront toujours pareilles, deux cercles même noirs. Même sur le côté. Même sur le côté, c'est assez bizarre. Hein? Ouais, j'ai pas. C'est assez bizarre. Il y a des photos, si vous voulez, sur l'article qu'éventuellement je remettrai sur assemblagerequis.com. Uh-huh. Donc voilà. Uh-huh. Ça, j'en ai une un petit peu plus déprimante, mais quand même, je trouve que c'est intéressant. Une pendaison. C'est lorsqu'on pend quelqu'un, mais lorsqu'effectué de façon incorrecte, peut avoir comme résultat une mort très très lente et très très difficile par étranglement ou par décapitation. Bref, ça peut être très très très très par décapitation. Ben, c'est ça. Dans le fond, la façon idéale de pendre quelqu'un, c'est ce qu'on appelle long drop, quoi. Il y a comme un cheveu sur mon micro qui s'est éclaté le nez, c'est le fun. C'est peut-être ça. Donc, le sujet est... Quand tu parles de long drop, c'est faut se lâcher de haut quand même pour que ça donne un coup et que le coup casse. Exactement, tu as tout à fait raison. C'est exactement ça. Donc, d'une très longue distance basée sur leur poids qui va produire entre 1000 et 1250 livres de torque. Qu'ils appellent. Donc, hauteur de torque, ça va complètement casser le cou de la personne et la colonne vertébrale, etc. Ce qui fait que tu tombes complètement inconscient et puis tu ressens pas la douleur de la pendaison. Par contre, si la chute est trop courte ou que le nœud est trop est au mauvais endroit, d'accord, le sujet va mourir d'étranglement, mais lentement, ça va faire vraiment mal. Mais d'habitude, ce qu'on voit à la télévision, là, tu sais, bref, dans un téléroman ou quoi que ce soit, là, il y en a plein, là. En fait, on peut voir ça aussi. Ouais. C'est souvent ça qui arrive. Ouais. Les gens tombent pas beaucoup de haut et puis essayent de se corriger. Là, comment je pourrais dire ça? De revenir en arrière dans leur geste. Ouais. Là, et puis, ça fonctionne pas. Là. Non, vraiment pas. Ou sinon, si la chute va trop loin par rapport au calcul, comme je disais tantôt, la personne pourrait perdre sa tête comme le demi-frère de Saddam Hussein, Barzan Al-Tikriti. Hein? Ouais, c'est ce qui est arrivé. Il a perdu sa tête complètement. Ça a juste... Mais lui, il s'est lâché de haut, là. Ben, c'est pas... Il s'est lâché, là. C'est souvent par méthode pour tuer quelqu'un. C'est plus toi qui fais ça à quelqu'un d'autre que toi-même qui te le fais dans ce genre d'explication-là, ce que j'ai l'air de comprendre aussi. Ah, OK. Ouais. Il y a des officiers allemands qui ont été étranglés à mort à cause d'exécutions ratées. Willem Keitel a été pris au bout de sa corde pendant 24 minutes avant de mourir. T'imagines? 24 minutes. C'est pas hot, là. Non, vraiment pas. Mais si vous voulez vous pendre vous-même, là, ouais, ça, je sais pas, les conseils là-dessus, je pense pas que tu puisses Non, mais premièrement, appelez quelqu'un. Hein? Oui, c'est ça. Non, mais... Demandez de l'aide. Non, mais c'est important pour vrai. Appelez, il existe plein de ressources aussi, puis... Ouais. Hein? Tout à fait. Tout finit par se régler, même si on voit pas nécessairement le bout. D'accord. Je ferai pas de blague avec ça. Moi non plus. Non, mais là, on parlait pas de suicide au départ. Là, c'est encore plus déprimant comme ça. Là, on parlait de pendaison, ce qui est tellement joyeux. Hein? Oui, mais moi, quand tu dis ça, en fait, c'est quoi? Ouais. Mais je pensais vraiment à un suicide. Ben, le lien est facile à faire. Ouais. Sais-tu qu'un mal de tête causé par la crème glacée, c'est causé par, le fait que la substance froide touche au palais de la bouche. Okay? Ça jusque-là, ça va. La crème glacée touche le palais. La réaction est causée par le centre nerveux juste en haut du palais de la bouche. Hein? Le palais de la bouche. Ça dit ici que... Qu'est-ce que ça dit? Que ça fait dilater les vaisseaux sanguins dans la tête. La raison pour la dilatation, c'est parce que le centre nerveux compense pour le froid extrême en essayant de réchauffer la tête aussi vite que possible. Et c'est ça qui fait que ça te donne un mal de tête de crème glacée. Oh! Ah! Hmm. Crème glacée, slotch, tout ça là, compte. Là. Tout ce qui est froid, exactement. Voilà. C'est tout pour cet effet aujourd'hui. Ah, intéressant, Mathieu. Ouais, pas si pire. Pas si pire. Pas si pire, lequel ton pas préféré là-dedans? Ouais, ben, la pendaison m'a vraiment beaucoup interpellé. La torque. La torque. Torque. Eh! Yeah! Hey, 8h moins quart? Oui, ben 7h46 pour être plus précis. On est très précis là-dedans. Vous êtes présentement dans les environs de Trois-Rivières. Oui. Ou sur Internet. Dépendant de où vous êtes et de quand est-ce que comment, là, tu sais. Hein? Ou peut-être que les gens nous écoutent en balado-diffusion, les pauvres, sur assemblagerequis.com. Peut-être. Hein? Les pauvres. Ben, non, mais pas les pauvres en sens d'argent. Là. Les pauvres dans le sens que, crime, tu choisis d'écouter ça sur ton propre temps ailleurs qu'en 7h09. Pauvre toi, tu sais. Genre. Pauvre toi, et merci quand même. Oui, merci, c'est très apprécié. Par nous, pas par vous, là, sûrement pas. Ouais, par nous. C'est ça. Tu fais bien le plus. Et voilà. Hey, ouais, c'était. Ouais. Je suis pas très gentil. Hein. Je suis vraiment en train de dire que notre émission, c'est de la grosse. Ouais. C'est ça, exactement. C'est un peu ça. T'allais dire? Je sais pas. Okay. Hey, sais-tu quoi, François? J'ai quelque chose pour toi, j'ai une bonne idée. J'ai une idée. Quoi? Okay. Tu sais qu'en radio, là je vais vous apprendre quelque chose. En radio, il y a beaucoup, beaucoup de radio. C'est ça, tu savais beaucoup, ça? Beaucoup, beaucoup de radio. Oui, il y a beaucoup d'émissions sur ces ondes de radio-là. Ça, tu savais ça aussi? Oui. Et tout le monde essaie de faire des idées originales. Tu sais. Comme oh, moi, je vais faire des idées originales, je vais faire des coups de téléphone, mettons. C'est bon. N'importe quoi. Tout le monde fait des affaires différentes, mais ça revient pas mal toujours aux mêmes. Mm-hmm. Pas mal toujours les mêmes idées partout. D'accord. Donc, je me suis dit, on va faire exactement le contraire. Exactement le contraire, OK? On va prendre des CD, OK? Et on va choisir la pièce qu'on skipperait normalement. Des CD qu'on aime, mais que normalement on skip la toune. Si on le parle en bon français. Là, okay? Ouais. Tu vois-tu le genre de concept? Mais c'est pas mauvais en tant que tel. C'est que c'est souvent c'est une pièce qu'on écoute moins sur un CD qu'on aime. Ouais, c'est okay? ça. Ouais. J'ai de la misère avec ton idée dans le sens où on serait pas supposé faire jouer la meilleure musique. Mais c'est de la bonne musique, c'est ça. L'idée, c'est que c'est des CD qu'on aime. Mais... Oui, mais tu peux aimer moins des pièces. Oui, mais c'est qu'on fait tout le temps jouer les mêmes sur nos CD. Tu vois, genre? On va l'essayer. OK, on va juste l'essayer. Pour tenter la chance, tu me diras après ça si tu trouves que c'est vraiment extrêmement mauvais, genre qu'on ferait plus jamais ça. Okay. C'est le bloc que j'appelle Skip It Good. Skip It or Die. Ah, Skip It or Die Trying. 50 cents, hein? We'll be right back. Tu vois ce que je veux dire, François? C'est pas une mauvaise pièce, là. Même, c'est une très bonne pièce, mais souvent, des fois, ça me tente pas de l'entendre quand j'écoute la série d'OK Go complet, tu sais. Ouais. Tu sais? Non, c'était pas si pire. Pas si pire? Je m'attendais à pire. Parce que moi, en fait, quand je saute les pièces ouais. d'un CD, c'est parce que je juge que je n'ai pas assez de temps à perdre. Fait que tu veux prendre que le meilleur du CD, mettons. Exactement. J'extrais le jus. Okay. J'extrais la pulpe de l'orange. j'aime ça comme image. Moi, de l'autre côté, d'habitude, quand j'aime un CD, c'est que je l'aime au complet, vraiment. Puis c'est rare que je saute par-dessus des pièces. C'est très, très rare. Mais, tu sais, c'est ça. La plupart du temps, c'est pas parce que je l'aime pas. C'est juste parce que, ouais, moi, si je veux, j'ai comme envie d'entendre que le meilleur d'un CD. Ouais, mais le oui. Oui, ouais, ça a bien du sens. Donc, c'était OK Go avec la pièce Before the Earth Was Round de leur album Of the Blue Color of the Sky dans le bloc qu'on appellera d'un nom bidon, là, n'importe comment. On se trouvera peut-être un nom pour ça demander. Ou on le refera pas, peut-être. Ou on le refera pas. Mais si vous avez aimé ça, parce que ça se peut, t'as oui. C'était une bonne pièce quand même. Oui, c'est ça. Et puis, imaginez-vous le reste de l'album. Exactement. Ben, c'est ça aussi le résumé de la chose, c'est que le reste de l'album est tellement bon qu'on peut se permettre de dire qu'il y en a une que c'est comme, mettons, dans le top, je sais pas combien de pièces, 10, c'est peut-être ma 10e. C'est pas mauvais pour autant. Non. Le but, c'est pas de vous faire jouer de la mauvaise musique non plus. Ben non. Voilà. Je sais pas. Skip it good. J'ai pensé à mauvaise skip track it aussi. Train. Mauvaise track, qu'est-ce que t'en penses? Mauvaise track, c'est ouais. bon. Comme la chanson de JP Lalpé, maintenant. Ouais. C'est pas pire. Ouais. Tu veux-tu une. Non, merci. Ouais. Bon, on l'écoute souvent, celle-là. Peut-être ouais. justement que celle-là, on pourrait l'écouter puis trouver une pièce qu'on aime moins. Bon. Ouais, mais je l'ai écouté l'album et puis. Il est bon? Non? Moyen. Ah, j'étais un peu déçu. Ah, ben, Colin, tu me surprends. Tu me surprends. D'ici la fin de l'émission, on a tout plein de contenu pour vous dans l'assemblage requis. Il nous reste le bloc Le Poste d'écoute où on va écouter la formation Clothes Make the Man un petit peu plus tard, le Maxi Control. On va aussi avoir une chronique tout le temps de quoi. Et là, ça, j'attends Stéphanie pour la faire. Hein, Stéphanie qui va être avec nous pour ses sorties spectacles dans Take Me Out. J'ai un petit chialage tout le temps de quoi, précisément fait juste pour Stéphanie. Rien que pour elle. Il va t'intéresser toi aussi, là. J'espère. Prends pas ça mal. Je commençais, là. Je t'ai inclus là-dedans quand même. Pour l'instant, on écoute Atomic Baobab, 89 FM, c'est fou. Si la vie était comme ça, il n'y en aurait pas de problème. C'est ça que je me dis chaque matin, je regarde le fond de sa main. Le trafic jam, il faut que ça garde. Au pied devant l'eau, bien sourire macabre. Si tout le monde était comme toi, il n'y aurait pas de problème. Je pourrais me rappeler de la dernière fois, je fais croiser sa main. Il est midi, il fait chaud, la veille, il y a tout le monde qui se court. On veut rester toute la journée. Puisque tu fais, c'est tes affaires. Moi, je fais les miennes. Atomic Bomb. Hein? L'Atomic Bomb. Atomic Bomb. C'est ça de la classe comme façon de dire les choses. Atomic Bomb. Atomic Bomb. Avec bombe cérébrale au 89.1 FM, c'est fou. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On en a une deuxième tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième heure, François? On reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Take Me Out. Mm-hmm. Le poste d'écoute. Le poste d'écoute, évidemment. Ta petite chronique de montée de lait. Oui, petite montée de lait, mais ça, c'est le fun. Puis on va parler de choses qui sont, comment dire, des affaires de filles, un peu, mais mélangées avec des affaires de geek. Mais vous allez voir que cet indice-là donne pas grand-chose. Non, c'est ça. Ça vous dira vraiment rien. Vous allez dire, c'était ça ton indice, c'était n'importe quoi. Hein? C'était Mathieu Plant. Et voilà, ça résume tout. Restez avec nous, c'est Assemblage requis. C'est fou ça, 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Bon, retour sur la deuxième heure d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées pour ce lundi 15 novembre 2010. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Et on est toujours en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Tout à fait. Hey Mathieu, ouais. Quoi? Est-ce que tu veux que je te raconte une petite histoire? Oui, je vais pouvoir m'endormir un petit peu. Ok, raconte. Pas de suite tantôt. Ah. Je vais rester réveillé d'abord. Ouais, exactement. Ouais, qu'est-ce qu'on écoute? Ethan Concrete avec la pièce So Many Nights. Je connais pas. C'est ça. C'est ma copine à la mienne. Bon, on lui dédie. On lui dédicace. Ouais, on lui signe quelque chose. Sur la poitrine. Oh, oh! So many nights I prayed that this would just stop. Awoke out of my sleep from the sound of a pop lock. My heart would drop to the ground. Maybe the fact my pops wasn't around. Crossed through the found these guys that would just knock you down or beat you around. I don't know. My innocence was lost back then, not to be found. And in a sense, it's like this world was just weighing me down, leaning its weight hard on my shoulders, making my heart less warm and much more colder. Chip off my tooth and a chip on my shoulders. I told y'all that I don't play. I seen that drama every goddamn day. So go ahead, yip, yeah, but wait, 'cause now you got a lot to say. Can't you judge me? The pissing, while most kids' lives consist of shine and glisten. Mine was lined with mischief, a boy flipping. The void of time to find joy to reminiscing. It's like time was missing, years was passing. I was inside while kids was outside laughing. No time for games, they fake toy planes was crashing. While me, my life was crashing. At night, fist fights left my mom's face smashed in. Her man's blasted, threw her down a flight of stairs. Alone and scared, I stand in eyes of men who didn't care. My father was never there. Now I am prepared for this lifetime that's unfair. This life I fight from the bottom to the top. This life I had to fight for all that I got. It hurts, but I still won't stop till my casket drops. Cast your judgments, cast. We'll be right back. qui accroche dès la première écoute, je trouve, Bouvier et Bernois de Panache. Panache. Oh oui. Panache, mais je pense que Maxime Lemieux l'a ramé demain, il aurait voulu en parler. Il va en parler demain. Ah, il va en parler. Oui, okay. Mais c'est sur le palmarès, donc on peut. Il n'y aura pas d'exclusivité pas là-dessus. Pas d'exclusivité, là. Max. Hey, come on. C'est sur le palmarès, là. On se calme le pompon. Parfait. Bon. On va se calmer le pompon, mais dans l'inverse. On va comme se remettre le pompon sur un high. C'est la highway. Sur la highway du pompon. Ah, j'aime ça. C'est le poste d'écoute. Hein? Sur les ondes, c'est fou! 89.1. Un jour, je trouverai un moment plus approprié pour rentrer sur cette pièce. Bienvenue dans le poste d'écoute d'Assemblage Rookie, où on vous présente, une fois de temps en temps, un album qu'on m'a dit que je l'ai aimé. C'est simple, de même, la formule. Mais que t'as pas écouté. Que j'ai pas écouté encore, mais qu'on me dit, Mathieu, tu vas sûrement aimer ça. Donc, je cherche un petit peu des informations et je vous fais jouer des pièces. C'est-tu pas formidable, ça? C'est merveilleux, c'est malade, j'adore ça. Donc, l'information. C'est quoi le groupe, là? Ben, c'est close, OK? Probablement le mot close. Close. Comme des vêtements. OK. Okay. Make the man, OK? Les vêtements, l'habit fait le moine. C'est un peu l'expression que ça veut dire. On a reçu leur Control EP. C'est un maxi de 4 pièces. Là-dessus, il y a Cruisin', Dreamless Nights, Mean What I Say et Wild Eyes Shout. On va écouter la pièce Cruisin' et après ça, j'ai envie d'écouter une pièce de leur précédent album juste pour voir s'il y a eu une évolution là-dedans. Donc, on écoute tout de suite Close, Make the Man et Cruisin' dans le poste d'écoute d'Assemblage Rookie sur C'est Fou. You thought it was safe, but I watched you collide as you faded away, engines whizzed by. La pièce Dreamless Nights de la formation Clothes Make the Man à Assemblage Requis, c'est dans le bloc Le Poste d'écoute. Verdict, François, toi, qu'est-ce que t'en penses? Pas si pire que ça. Au début, je t'avoue que ça m'a un peu... Je m'attendais premièrement pas à ça. À ce genre de son-là. Non, c'est ça, exactement. Un son qu'on peut retrouver dans plusieurs groupes. Là. Ouais, c'est pas super original. Hein? Ouais, on s'entend là-dessus. Mais ce son-là n'est pas habituel à ces fous. Non. C'est, des fois, ça peut être une bonne chose. Dans ce cas-ci, j'ai trouvé... La deuxième pièce, c'était pas mauvais, je trouve. Ouais, la deuxième pièce, c'était moins pire que je trouve. La première avait un son typiquement, on entend ça ailleurs. Ouais, quand même. C'est ça. Mais bon, bref, parlons un petit peu de la formation. C'est un groupe torontois de Rock'n'Rollers, Clothes Make the Man, qui sortent un agace, que j'aime bien appeler. Un agace. Un teaser, mais c'est pas mal une traduction littérale, de leur album complet qui s'en vient au mois de... Ben, au début du mois de janvier, au début de l'année 2011. C'est plus ça que je voulais dire. Bref, ça s'appelle The Control EP, un maxi qui est disponible numériquement depuis le début du mois de novembre. Donc, leur maxi, comme je disais, Distance, a été poussé au début de 2011. Le maxi contient 4 pièces. Le groupe a enregistré ses pièces avec le producteur Julius Juice Butty, qui travaille avec Alexis on Fire et Protest the Hero. Oh, quand même, Tarot. Quand même. Le frontman Ryan McLennan a une voix charismatique, dit le groupe lui-même. Hein? C'est une voix des plus reconnaissables au Canada. Voilà. Le batteur Phil Wi-Fi Wilson, le guitariste Scott Mees Henry et le bassiste Ross Jus de Papillon McMahon composent le groupe, si on veut. Et puis, ils ont partagé la scène avec Cancer Bats, Moneen, The Deers, Malajub, Attack in Black et Hey Rosetta. Donc, c'est quand même pas mal comme groupe à côté. Ça va bien, ça va bien. Voilà. Si vous voulez plus d'informations, c'est clothesmaketheman.org ou encore myspace.com/clothesmaketheman. Comme je disais, le maxi est disponible depuis le début du mois de novembre et vous pouvez télécharger une pièce gratuite sur leur site. Donc, c'est la pièce qu'on vient d'entendre, d'ailleurs, Dreamless Nights, la bonne des deux, je dirais. Hein? Ouais. C'est un peu ça. Fait que c'était le poste d'écoute. Mathieu. Oui. Là, je t'apprends un peu au dépourvu. Je sais pas, en fait, si j'ai pensé. J'aimerais ça faire un deux fois. Ah ouais! J'aimerais ah ça ben, avec l'artiste que j'ai choisi. Ben, avec grand plaisir, on annule ce qui vient de commencer puis on part avec un super segment. Il était deux fois. Pensez deux fois parce que dans notre monde, il y a deux lois. Le concept, c'est de le faire deux fois. J'aime ça quand tu prends de l'initiative là-dessus, c'est le fun. Hey, mais bon groupe, ça fait longtemps que j'avais pas entendu des pièces et puis non. Tant qu'à en écouter, on va en écouter. Yes, sacrifice. Puis Dieu sait qu'il y en a plus qu'une de bonne. Oui. Modest Mouse. Oh wow. Je connais absolument pas le groupe. Non, vraiment pas. Hey, mais sûrement que ça va dire quelque chose. Peut-être. Oui. Oh oui, sûr. En fait, on va commencer ça avec Ocean Breathe Salty. D'accord. T'aimes ça? Ben, le titre, j'adore ça. L'océan qui respire du salé. Là, moi, j'ai... Tu vas aimer ça, je sais. And maybe we'll get lucky and we'll both grow old. Well, I don't. Well, you just laughed it off, it was all okay. Modest Mouse et Float On, Assemblage Rocky dans le bloc, il était deux fois. Deux fois! C'est François qui s'est gâté cette fois-ci, j'aime ça. Ouais, vraiment, ça fait longtemps que je voulais entendre Modest Mouse. T'as bien fait? Oui. Ouais. Je suis sûr que les auditeurs sont bien contents. Ils sont ravis à souhait. Ah ben, comme toujours. Assemblage Rocky qui se poursuit jusqu'à 9h. Il nous reste une demi-heure ensemble environ. D'ici la fin de l'émission, on va avoir un petit bloc de chialage tout le temps de quoi. Et on va avoir Stéphanie Gagné qui s'en vient juste après la pause avec Take Me Out. Puis mon, Take me out to the ball game. J'avais l'impression que tu ferais ça. Écoute, je pense que à toutes les semaines, je vais le faire. Fais attention, une gifle est si vite arrivée. Hein? Oh, oh, hey, crime, je pensais pas qu'elle allait le faire, pour vrai. Elle l'a pas faite. Ah non, c'était juste du fake, on dirait de la lutte. Ben, la lutte, en fait, je pense que j'apprendrai rien. Ben, je vais apprendre peut-être des choses à certains, mais c'est pas arrangé. Uh-huh. Fait que, hein? Okay. Arrêtez. OK? OK. Arrêtez. Jusqu'à 9h, c'est fou. C'est fou ça. 89.1. Tu dis que ça me donne le goût de danser, hein? Oui. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Assemblage Rocky est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage Rocky jusqu'à 9h. C'est fou. Et oui, vous êtes toujours à Assemblage Rocky. Oh oui. Avec Mathieu Plante et François-Olivier. Ben oui. J'ai utilisé la même tonalité que ce qui est tapé. Que ce qui est tapé. On a du matériel tapé dans cette émission-là. Ben oui, on c'est ben même pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, tout est en direct. Même la petite musique qui est en arrière, c'est moi qui l'ai fait live. Tout. Ouais. C'est ça qui est ça. On va parler avec Stéphanie Gagné pour faire changement, mettre un petit peu de culture dans notre affaire. Voici Take Me Out. Hein. Take Me Out! Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathieu, François, Olivier. Ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Ben oui, ça va bien malgré le sevrage. Est-ce que c'est le mot sevrage? C'est ça François qu'on utilise le mot sevrage quand quelqu'un arrête de faire quelque chose, mettons arrête de fumer? Ouais, sevrage, ben des intox, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je sais pas. Disons que Stéphanie, c'est à peu près ça. Elle a arrêté d'acheter des CD. Ça fait à peu près 2 mois et là, ça va mal. Est-ce que tu veux un jeton? Est-ce que tu veux un jeton pour t'encourager? Oui, j'aimerais ça. Ou un gros sac de framboises. Ah ouais, mais il n'y a pas un peu de bonheur, par exemple, les framboises. Je le mangerai pas tout de suite, là. Ah, pour plus tard? Oui. Ah, comme un Suisse. C'est qui, là? Ah, un Suisse. Qui se met des bonbons dans les joues, sauf que lui, c'est des noix. Ouais. Ouais. Donc Stéphanie aujourd'hui qui nous parle de sorties spectacles et culturelles qui ont lieu pendant les prochains jours, pendant la semaine à venir dans sa chronique Take Me Out. Qu'est-ce qui se passe de ces temps-ci? Ces temps-ci, eh bien, il y a du 17 au 20 novembre, il va y avoir le 5e M pour Montréal. Donc bien évidemment à Montréal, il va y avoir Random Recipe, Pascal Picard, Yann Perrault, We Are Wolves, Mister Valère entre autres. C'est environ une trentaine de dollars, mais étant donné qu'on l'habite à Trois-Rivières, quand même 1h30 de route, ouais. Les gens n'ont pas le goût de monter pour toutes les journées du M pour Montréal. Alors, je vous conseillerais vraiment le 20 novembre, c'est vraiment la journée, le samedi, où est-ce qu'il va y avoir tous les gros noms. Yann Perrault, Damien Robitaille, Alex Nevsky, Mono Grenade, La Pâte à Rose et Mister Valère. Donc, très cool. C'est sûr qu'on manque Random Recipe, We Are Wolves, Pascal Picard, mais pour 30$, là... T'as pas mal, beaucoup de bons bands. Ouais. Alors, c'est ça que je vous conseille le 20 novembre pour le M pour Montréal. Si on retourne un petit peu dans le temps, avant le 20, le 18, il va y avoir Carquois au Grand Théâtre de Québec. La même date, Alexandre Désir va être au Théâtre Petit Champlain. Et ça, je suis très étonnée. Winter Gloves, qui va être en région, mais à Victoriaville, okay. Au Resto Bar, le Vieux-Saint-Pierre. Wow! Ouais, j'aurais bien aimé qu'ils soient, je sais pas moi, au Gambrinus, mais non, ils sont à Victoriaville. Donc, si vous voulez aller les voir, c'est à Victo. Est-ce qu'il y a plus grand public à Victoriaville qu'à Trois-Rivières pour les shows alternatifs comme ça? Je suis pas sûr. Admettons que ça aurait été à Sherbrooke, tu sais, ou. Ouais, peut-être écoute, plus. Moi, mais... ouais, ben, ce qu'on sait pas, c'est que peut-être lui a un cousin qui reste là, qui a un bar. Ou, peut-être un party de famille, finalement, ouais, mais tout à fait, sous le déguisement d'un spectacle. Ouais, parce que, me semble, moi, dans ma tête, Victoriaville, c'est une vieille ville comme ici. Avec la moyenne d'âge assez haute. Oui, oui. En tout cas, je sais pas pour vous autres. Moi, dans ma tête, c'est comme ça, Victoriaville. Moi aussi, mais bon, on a des préjugés. À un moment donné, il faut les mettre de côté. Et puis... Hein? Bon, ensuite c'est de fait. Ça. Bon, on oublie ça, là. Le 19, il va y avoir Vincent Vallière au Domaine Forgé. Et le 20, toujours Winter Gloves qui vont être du côté du Moulin Neuf. Il va aussi avoir JP Dalpé, lui aussi, qui va être en région, mais à Masquinongé. Oh! Masquinongé, ça, c'est très drôle. Ouais, musée, magasin, général, Lebrun. Wow! Wow! Wow! Je trouve ça vraiment spécial. Ouais, c'est cool. Masquinongé, y a-tu quelqu'un qui va là, Masquinongé? Ah, préjugé encore. J'avais été là en mobilette avec mon ami. Ah ouais? Ouais. C'était bien? Ouais, c'était long en temps, vrai, comment t'as dit, par exemple. C'est ça. Ah, peut-être qu'en auto, ça se fait bien. Oh, en auto, c'est pas loin. Est-ce que t'es passé par le magasin général Lebrun, quelque chose? Non. Non. Ben, peut-être pas en face, mais... T'en as pas rendu compte? C'est bizarre parce qu'à la vitesse, j'allais. Ça, c'est un autre histoire. Et bon, le dernier spectacle, c'est toujours le 20. Et celui-là est vraiment à Trois-Rivières. C'est Panache, nouvelle entrée au Palmarès, oui. La semaine dernière. On l'a entendu il y a quelques minutes tantôt. Et quel hasard! Quel hasard! Qui va être du côté du Zénob. Cool. C'est quand, ça? Cool. Ça, c'est le 20. Donc, samedi. Samedi. Samedi, vous avez le choix, M pour Montréal, Winter Gloves, JP Dalpé ou Panache. Ah, vos fêtes de semaine sont bookées, hein? Oui, hey. Absolument. Ou dormir. Ou Call of Duty Black Ops. Hey, c'est un graphiste. Hey, j'ai joué complètement... Tu l'as reçu? Oh, ouais, je l'ai reçu. Call, on en reparlera tantôt. Ouais, ouais, okay. Ouais, OK. On en reparle. On va laisser Stéphanie sous son spotlight. J'ai fini, là. Bon, ben, bye, Steph. Non, François, qu'est-ce qu'on disait? Call of Duty. Oui, on écoute Winter Gloves. Oui, on va aller écouter une pièce, pas de leur dernier album, mais celui d'avant. On va aller écouter la pièce Let Me Drive. Et désolé pour nos insolences. Okay. Winter Gloves avec la pièce Let Me Drive qui vont être du côté du Moulin Neuf et aussi du vieux resto, du resto Le Vieux Saint-Pierre. Oui. Ouais. C'est pas le Magasin Général, ça c'est l'autre groupe. Non, hein, c'est JP Dalpé. Ok, wow. Qui va être au Musée Magasin Général Lebrun. Mais merci Stéphanie pour ta chronique Take Me Out. Merci. Bien de rien. Réussi pas mal ça. Stéphanie qui va rester avec nous pour jaser un peu, hein, parce que François-Olivier, crime Amazon, hein? C'est efficace. C'est vraiment efficace. J'ai commandé ça mardi, en fait, l'édition prestige de Call of Duty. Black Ops. Black Ops. Je l'ai commandé mardi soir. Il devait être, il devait être peut-être 5h30, là. Dans ce coin-là. C'est quand même tard, là. Ouais, c'est quand même tard, parce que dans le sens que le shipping, ça se fait relativement de bonne heure le matin, là. Donc, vous le savez, en fait, quand le facteur part chez vous, une fois, il est trop tard. Ben, c'est ça. Donc, c'est ça. Et puis, je l'ai reçu jeudi après-midi. Aïe. Donc, tu l'as commandé mardi soir en même pas, genre, même pas deux jours, là. Même pas deux jours, je l'avais chez nous. Ouais. À peu près? Ouais. C'est incroyable. Ouais, un jeu que je ne trouvais plus, un ensemble que je ne trouvais plus ici à Trois-Rivières. Seul petit hic que j'ai pas pensé parce que j'étais trop excité à... de recevoir cet ensemble-là, c'est que je l'ai commandé en anglais. Ah, oh, ouais, ok, ok. Ouais, ouais. Ouais. Est-ce que c'était sur PS3 ou sur PC que tu l'as commandé? Xbox 360? Ouais. Une chance que tu as commandé au moins la bonne version sur la bonne console. Non, ça, pas de problème, je me suis assuré de ça, mais vois-tu, j'ai même pas pensé. Mais j'avoue, moi non plus, j'aurais sûrement pas pensé à ça. Non. Il n'y a pas de choix de langue là-dedans, c'est tout? Non, c'est ça, le jeu est soit fait en français, parce qu'il y a beaucoup d'animation. Okay. Beaucoup d'animation. Soit que le jeu est fait en français ou en anglais. Et puis, j'ai eu la version anglaise. Ouais. Tu vas nous présenter ta critique de ce jeu-là, quoi, mercredi? je vais essayer, en fait, parce que je veux jouer sur le live avant. Bonne idée, ouais. Puis, ma carte Xbox Live est expirée, donc... T'as pas pensé à ça avant de commander le jeu, toi qui étais si tant excité par le jeu? Mais je t'avoue que ces temps-ci, j'ai comme beaucoup de choses à faire. Et puis, pas que je n'aime pas Call of Duty, mais il faut que je remette ça. Tes priorités, ouais, dans le sens que mon examen ici à l'université n'attendra pas. Ah, t'es un bon étudiant. Non, j'ai pas le choix. Ouais. Parce que je sais que quand je me mets à jouer à ça, je peux me laisser pousser la moustache des années sans m'en rendre compte. Là, le temps passe vite. Donc, ta critique dans les semaines à venir. Oh, oui, c'est ça. Non, mais peut-être cette semaine. Écoute, je te dis pas, je vais essayer de m'acheter la carte là, idéalement cette semaine. Prends je vais regarder tout dépendant comment mes affaires vont. Je t'en repasse, c'est sûr. C'est parfait. De l'autre côté, Stéphanie, s'est trouvé une manette de Super Nintendo. Donc, ça, c'est... Oui, très cool. Même si c'est une fake, là. C'est pas une Nintendo, là. Ben, je sais pas, mais je suis pas mal certaine que c'est pas une vraie. Parce que quand je l'ai acheté, bon, elle était pas dans une boîte, rien. Mais elle était 9,99. OK. Fait que, c'est louche déjà en partant. On part avec. Mais il me la met dans une vraie boîte Super Nintendo, Entertainment, truc. Avec le petit saut de qualité Nintendo dessus. Tout le kit. Ouais. Mais là, quand je l'ai sorti finalement en arrivant chez mon ami, je l'ai mis à côté. Puis là, je me suis rendu compte des différences. Celles que j'ai achetées, les touches à droite sont plus petites. Okay. Puis aussi, sur la manette de Super Nintendo, il est écrit Super Nintendo en haut avec le sigle Entertainment, je sais pas quoi. Ouais. Pendant que l'autre, il est juste écrit Nintendo, puis elle est pas de la même grosseur, pas de la même forme un peu. Là, ça se peut très bien, ça. Ça peut très bien. Tu sais, j'ai trouvé ça dans un marché aux puces. Fait que ça se peut que ce soit une fake. Là. C'est ça. Mais t'as eu de la difficulté à trouver ça parce qu'à Trois-Rivières, oui, oui. Disons que les magasins de jeux vidéo, à part, tu disais Twinnie au centre-ville, François-Olivier, Twinnie. Ouais, ouais, Twinnie. C'est le magasin qui a le Super Mario 3 là, dans la fenêtre. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Je connais pas vraiment les noms de rue. C'est quoi? C'est pas loin du 5 coin, bref. Ouais, Saint-Georges, c'est l'ancien dépanneur qu'il y avait là. C'est ça, exactement. Donc, c'est pas dur. Non, très, très bonne place. Là, on peut vraiment retrouver des trucs vraiment spécifiques. Quand j'ai été, il y avait même un gant. Un power glove. Un power glove. Y a-tu un Robbie, le Robbie le robot? Je sais pas. Là, Faut que j'aille faire un tour là, Twinnie, au centre-ville. Mais autre la pub ici, t'as fait le tour de toutes les plus petites boutiques qu'on mentionnera pas, qui appartiennent à de grandes chaînes. Et eux, les jeux rétro, là, c'est plus que la cote en ce moment du tout là, chez les jeunes. Non, pas du tout. Mais j'étais un peu déçu parce que j'étais pas mal sûr que j'allais trouver ça. Ouais. Finalement, non, il a vraiment fallu se promener. On a fait un bon 2 heures pour trouver notre manette de Super Nintendo. On voulait vraiment jouer. Là. On avait joué, mais ma manette, elle marchait pas très bien. Une des deux, puis on voulait jouer à Mario Kart. Fait qu'il fallait qu'on joue les deux en même temps. Mario Kart! Avec les petites plumes, le seul et unique Mario Kart qui a des plumes. Carlin, c'est fantastique. Mais les grandes chaînes, nous, sont vraiment pas spécialisées. Non, mais ils veulent. En fait, c'est comme un gros Walmart. Là, on peut comprendre ça en même temps. C'est comme justement, tu sais, Walmart, il ira pas te vendre des CD de groupes pas connus parce qu'il ferait pas d'argent, il faut qu'ils vendent les gros vendeurs. Magasin de jeux vidéo, c'est la même chose. Le monde veut du récent. Là. C'est ça, c'est logique parce que à part moi, je pense pas que cette année, il y ait bien du monde qui cherche Nintendo. Mais c'est pas grand chose d'en garder peut-être juste une en stock. Quand tu te dis spécialisé dans les jeux vidéo. Ouais. Mais c'est ça, moi je trouve que. Ils ne les réparent pas non plus, ils font pas grand chose. En fait. Mais une boutique spécialisée dans les jeux rétro. Je trouve que ça devrait marcher. Je pense qu'on n'a pas le choix. Nous, en tant qu'amateurs de jeux rétro, je sais pas si toi, François, t'habitues un petit peu les jeux rétro, Nintendo, Super Nintendo, Genesis? Nintendo 64, James Bond. Okay. Moi, je suis resté stické pas mal à ça. Je pense que c'est rendu rétro. Moi, j'ai décroché rendu au 64. C'était comme trop pour moi. Ah, mais t'as pas joué à James Bond. Ben, GoldenEye. Moi, j'ai joué à James Bond, puis sérieusement, je ne suis pas capable d'un jeu où t'es pris dans la tête. Moi, ça me donne mal à la tête de juste voir le petit cadre. Non, je pense que je sais c'est quoi. Mais dans le temps, là, waouh. Oui, dans le temps, oui. Sacrifice. Mais c'est assez révolutionnaire. Ouais. J'ai rejoué à Mario 64 parce que j'ai une Wii, donc j'ai la console virtuelle et j'achète des jeux de Super Nintendo et Nintendo 64 à profusion. Et puis j'ai rejoué à Mario 64. Colin, que j'ai la misère avec les contrôles comparé à la Wii puis à la GameCube. Ouais, c'est pas facile, mais je pense que c'était pas vraiment au point. Non, vraiment pas. La caméra, surtout, genre, t'as comme pas le choix d'être soit devant, sur le côté à un angle précis. C'est dur. Ouais, c'était pas évident, ça. Quand t'es habitué d'avoir le 360 sur la caméra, là, c'est dur de revenir en arrière. Mais bon, on aime ça pareil, hein. Moi, je suis habituée, tu passes de gauche à droite. Ouais. C'est comme ça. C'est ça. Moi, je suis très Mario 1, là, tu sais, 1985. Ouais, là. Moi aussi, c'est ça. Les meilleurs, c'était les premiers, comme on dit toujours, mais Mario World, puis etc. Bref. Mario World aussi, pas bien. Mais tu sais, celui-là aussi, c'est de gauche à droite. Fait, oui, voilà. Belle petite discussion de geek qu'on a ici. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Mais là, ça va être le moment d'arrêter de parler de choses geek complètement. Genre là, silence total. Arrêtons les affaires geek. Repartons sur des affaires qui sont un petit peu plus grand public. Et jason, parce que Stéphanie, tu vas être d'accord avec moi, mais à un moment donné, quand on parle de DVD, OK, il y a tout le temps, répétez ensemble, chantez avec moi le nom de la chronique, il y a tout le temps de quoi? La vie est faite de mettre de quoi jouer, soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Il y a tout le temps de quoi? La vie est faite de mettre de quoi jouer, soit qu'il fait trop frais. François, t'as l'air dégoûté quand je commence à parler de « Y'a tout le temps de quoi ». Non. « Y'a tout le temps de quoi ». Encore du chialage. Non, je suis habitué, t'as fait. On s'habitue à ça. Stéphanie, « Y'a tout le temps de quoi », tu me diras si t'es contre pour l'idée. Là. Les coffrets DVD, sérieusement, tu vas dans un magasin de grande surface. Là. Puis là, t'as un coffret DVD genre des saisons 1 à 9 de Smallville. Dans une boîte bien produite, on dépense des millions là-dessus. Mais pourquoi acheter ça? La série est pas finie. La saison 10 va sortir en septembre prochain. Tu te fais fourrer, tu sais très bien que tu te fais fourrer, puis tu le fais de ta propre volonté. C'est vraiment horrible, je suis tout à fait d'accord. J'ai vu le coffret saison 1 à 3 de Big Bang Theory.

Mumford & Sons et la pièce de Cave à Assemblage Requis sur les ondes de C'est fou. C'est presque la fin de l'émission d'aujourd'hui. On a eu le temps de presque de faire tout ce qu'on voulait faire, hein? Ben, on a tout fait. À part CNX, là, comme toujours. À part CNX, toujours, c'est vrai. C'est toujours ça qui souffre et qui prend le bord. Mais on a parlé quand même jeux vidéo un peu. Oui. Call of Duty, on a effleuré le sujet. Cette semaine, on va essayer de revenir en force là-dessus. Avec une en fait, critique. Plus en détail, oui, tout à fait. Comme je disais, j'attends le Xbox Live. Tout à fait. Ça va être super, ça. J'ai vraiment très, très hâte d'entendre voir un petit peu plus ce que tu en penses de ça, moi. Exactement. Demain à l'émission, on va avoir Émilie Gauthier avec sa chronique Veux-tu sortir avec moi. On Maxime a aussi... Lemieux Laramé avec sa chronique On télécharge quoi. Qui d'autre? Stéphanie Gagné. Stéphanie Gagné, tout le temps. Et puis. En fait, c'est un peu ça. Là. Ça fait quand même un mardi bien chargé. Assez chargé, en effet. Restez sur nos ondes. Le dîner de con s'en vient à 11h avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Plus tard en journée, il va y avoir les betteraves hurlantes entre 16h et 18h. Betteraves hurlantes, pas de te. Entre 16h et 18h avec de l'humour et des légumes. On se quitte et on se retrouve demain. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Passez une belle journée. Bye. Bonne journée, Mathieu. Bye. Wow, wow. Malade. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.